Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical en cette deuxième semaine de janvier. La semaine dernière, malheureusement, ceux qui étaient avec les ondes hertziennes ne pouvaient pas syntoniser la station. Elle était disponible en podcast et sur le câble. Mais donc, pour ceux qui... on vous souhaitait bonne année. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre l'émission la semaine dernière, il y avait un petit problème technique. On a 2 heures de bon rock progressif. On a parlé, Jean-François parlait la semaine dernière de grands musiciens qui nous ont quittés. Évidemment, il y a eu David Bowie cette semaine, qui n'est pas un artiste relié au rock progressif, mais quand même, je pense que ça a touché beaucoup de gens. David Bowie avait travaillé avec Rick Wakeman il faisait le piano sur l'album Hunky Dory, avec les pièces Life on Mars là, qui sont très connues, plusieurs pièces connues sur cet album. Évidemment, c'était des amis, ces musiciens-là. On n'aura pas de David Bowie pour vous ce soir. On va débuter avec une nouveauté italienne. C'est pas tout à fait un nouveau groupe, puisqu'ils ont débuté à la fin des années 60. Neutrals, un groupe italien qui avait réalisé en 1971 Concerto Grosso numéro 1, et qui était considéré à travers les années comme un grand album de prog italien. Ils ont réalisé un nouvel album en 2015 sous l'appellation UT Neutrals. Il y a eu UT Neutrals à partir de 72. Il y avait comme où le groupe s'est scindé avec des musiciens différents. Ici, on a Gianno Beneno et Maurizio Salvi au clavier. Maurizio Salvi, qui étaient les deux sur Concerto Grosso numéro 1 en 1971, qui sont dans cet album-là, intitulé E, tout simplement la lettre E avec un petit accent. Il y a eu des super bonnes critiques de cet album-là. Donc, on va débuter avec une pièce de ça, Cherubino, de cet album. On aura également, on a plusieurs bons spectacles cette année déjà annoncés dans le rock progressif à Québec, dont Steven Wilson, le 29 février au Grand Théâtre, qui vient nous présenter Four and a Half, 4 et demi, son nouveau disque qui va apparaître bientôt, et également l'album chouchou de beaucoup de gens pour 2015, l'album And Cannot Erase, qui sera... interprété entièrement. On aura 2 pièces de ça, Home Invasion et Regret Number 9, à la fin du premier bloc. Entre les deux, c'est Steve Hackett. Steve Hackett qui sera en nos murs le 8 avril au Grand Théâtre avec son voyage, From Acolyte to Wolflight, puisque le plus récent s'intitule Wolflight. On aura une pièce de ça. Et sur une des grandes pièces de cet album-là, Love Song to a Vampire, il y a la collaboration de Chris Squire, qui nous a quittés l'an dernier, le grand bassiste de Yes. Donc, j'ai pensé que ça serait un bon choix d'y aller avec cette pièce. Mais tout d'abord, UT Neutrals, plus récent album E, et la pièce Cherubino sur les ondes CKRL. Sogno, sogno bellissimo.

desperate to please, I never learned. The door was unlocked, but my heart was in jail. Caught in the web of your spell, I must now finally stake my claim.

soirée vous est présentée par La Barberie. Ici Tania Beaumont. Notre rendez-vous du mercredi a maintenant un nouveau nom, Jamais comme tout le monde. De 17h30 à 19h30, toujours en direct du bar Le Sacrilège, on fait revivre le perron de l'église avec des discussions d'actualité. On reçoit des artistes en entrevue et prestations. Nos collaborateurs proposent des découvertes culturelles. On offre des prix de présence et on lève notre verre à la bonne nouvelle de la semaine. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. De retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita et également la musique qu'on a entendue juste avant la pause, Stephen Wilson tiré de And Cannot Erase, qui sont plus récents là, à date, à ce jour, puisque bientôt il fera paraître Four and a Half, 4 et demi, son prochain disque qu'il nous présentera d'ailleurs au Grand Théâtre le 29 février et comme bassiste il y aura avec lui, bon, c'est la même équipe qu'on a vue l'année dernière. Je voulais faire le lien avec le bassiste plutôt de Steve Hackett. C'était précédé par Steve Hackett, oui, de la pièce Love Song to a Vampire, tirée de Wolflight. Et donc à son spectacle le 16 avril au Grand Théâtre. Le 8 avril, voyons, au Grand Théâtre, Steve Hackett sera accompagné à la basse, voilà, de Roy Nistolt, qui était le guitariste de Kaipa et également de Flower Kings et Transatlantic et Agents of Mercy, Kaipa da Capo. Et c'est un guitariste de grand talent, comme on le sait, et il sera à la basse avec Steve Hackett, donc, dans Acolyte to Wolflight, le 8 avril au Grand Théâtre. Ensuite, ben, je parlais du 16 avril, il y a Dream Theater qui est au Théâtre Capitole. Dream Theater, groupe américain bien connu, hein, depuis la fin des années 90. Il y aura également un spectacle bientôt, la Convention Terra Incognita 2016, 12e édition. Donc, on a le RPVL qui est là avec The Man and Journey. En hommage à Pink Floyd, un spectacle qu'ils avaient présenté à quelques reprises en 1969 avec des pièces de Humaguma et Moore. Donc, très psychédélique. Ça va être absolument excellent. Il faut voir ça. C'est un spectacle unique. Donné par RPVL le 20 mai au Centre d'art La Chapelle. Ensuite, le lendemain, il y a les trois groupes. Il y a Inner Odyssey de Québec qui viendra présenter Ascension et certainement des nouvelles pièces, des pièces du premier disque. Également Able Gans du Royaume-Uni, première visite au Canada, et RPVL avec un spectacle de RPVL. Ça, c'est le 21 mai au Centre d'art La Chapelle, et le 22 mai, troisième journée, là, on a Kinetic Element des États-Unis. Première visite également au Canada, leur second disque très bon, Travelogue. Unreal City de l'Italie, qui viennent nous présenter leur nouvel album aussi. Et Sylvan de l'Allemagne, le 22 mai au Centre d'art La Chapelle, au Festival Terra Incognita 2016. On a également Stickman qui est au Cercle le 28 avril, donc c'est avec Tony Levin, Pat Mastelotto. Ça aussi, ça va être intéressant à voir. Et ben, il semblerait qu'il y a des négociations pour plusieurs autres spectacles qui s'en viennent aussi. Mais ouais, d'abord, allons voir ces spectacles dont je vous ai parlé. Et on va être certainement déjà conquis. Alors, on avait débuté l'émission avec une nouveauté, UT Neutrals, tirée de leur nouvel album « Et c'était la pièce Cherubino. Alors maintenant, pour le deuxième bloc musical, on y va. Vous serez peut-être pas surpris avec un groupe italien. Un groupe italien, c'est un groupe assez récent quand même, Autostrada, donc le chiffre 8 en chiffre romain, Strada. Et leur plus récent album, c'est sur Falling Record, et c'est l'album Babylon. Vous allez voir que c'est un mélange de prog ancien un peu, mais c'est très moderne, surtout dans le son de guitare, mais un très bon piano aussi. Donc, on aura le Preludio a Eclipse et Eclipse annulare du plus récent album de Autostrada. Et ensuite, on aura Spock's Beard, tiré de leur plus récent album Oblivion Particle, avec la pièce Better Way to Fly. Et on termine encore en Italie avec Spettri. Spettri, qui est un groupe des années 70 qui ont fait un grand retour après 40 ans. Un groupe très peu connu avec l'album Do 1963, La Nemica dei Ricordi, et ce sera la pièce titre. On y va tout de suite donc avec Autostrada. Nella notte sa baba gnata e penso qualcosa di semplice avviene in noi, qualcosa che infinite light. Gravity's enemies ponder the skies. Envy the birds in the arc of their flight. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Suite au succès connu l'an dernier, Kid Kuna revient avec son voyage d'hiver qui sera présenté en guise de prélude au mois multi. Accompagné de 10 musiciens et une danseuse, dans une mise en scène d'Antoine Laprise, Kid Kuna fera vivre sur scène l'intégralité de ce voyage poétique menant sur les routes glacées de l'âme du cœur pour une dernière fois dans ce concert à grand déploiement. Je traîne mon âme dans le calcium, écris aux gens que je suis mort. Présenté les 29 et 30 janvier à la salle multi de Méduse. Détails au moismulti.org. Billets en vente sur lepointdevente.com. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vap Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vap Classique. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ovacène présente en collaboration avec Frampton Brass le spectacle After the Storm de Bob Walsh en formule cabaret le 5 février à 20h30. So tell me what have I been drinking? Blues, gospel, soul, After the Storm, un spectacle puissant, énergisant. Get out of my life, woman. Nothing but heartache by the pound. Bob Walsh, le vendredi 5 février à la salle Alphonse Desjardins du Centre Castel à Sainte-Marie. Informations et réservations au 418-387-2200. Programmation et informations sur ovacène.com. Bonsoir, bienvenue dans la Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clé, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince égraphie, puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Des champs de l'été, des opérés, des emportés. Non. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. J'ai rêvé que j'étais à CKRL à l'émission Terra Incognita. Et non, c'était une réalité. J'écoutais juste avant la pause Spettri. C'est un groupe des années 70 d'Italiens, évidemment. Vous avez pu certainement le constater. Et ils avaient fait paraître un album en 1972. En fait, c'est à peu près pas connu. À ce moment-là, ça a été réédité. Et ils ont fait un nouvel album, donc en 2015. C'est sur l'étiquette Black Widow, qui sont spécialistes là à déterrer des groupes des années 70 et à faire des rééditions et à les encourager à faire des nouveaux disques. Donc, leur nouvel album, c'est une histoire qui se passe dans le futur, en 1973, La Nemica dei Ricordi, et c'était la pièce titre de l'album. Juste avant, Spock's Beard, tiré de The Oblivion Particle, paru l'an dernier. C'était leur 12e disque. Ça a débuté en 1995 avec The Light. Et à ce moment-là, il y avait Neil Morse dans le groupe et Alan Morse qui a toujours été là, donc qui est toujours là. Leur plus récent, donc, et c'était la pièce A Better Way to Fly. Et on avait débuté également avec une pièce italienne, deux pièces en fait, Autostrada. Leur excellent nouvel album, c'est sur l'étiquette Falling, et c'est Babylon, le titre de l'album de Autostrada. Alors, on y va avec un troisième bloc musical. On a un groupe qui m'a beaucoup surpris et qui est dans mes coups de cœur pour 2015, un groupe de l'Espagne que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce au magazine Progressiste et la compilation également New Species volume 20, sur lequel il y a vraiment une belle sélection. Et donc, je me suis procuré cet album. C'est devenu mon coup de cœur, un des coups de cœur. En fait, c'est un jazz prog vraiment très bien. C'est quatre pièces et ça s'écoute bien du début à la fin. Il y a une voix qui ressort un peu opéra par moment, vous allez voir, mais le vocal est vraiment bon. Tout est bon, tout est bon, le clavier, les guitares, tout ça. Donc, Herba d'Amélie, c'est leur troisième album en carrière, 2015, Interiors. Donc, on ira avec la pièce Viaggi, le voyage, de cet excellent groupe Herba d'Amélie. Et ensuite, on va enchaîner avec Alco Frisbass de la France. C'est leur premier album. C'est également sur Falling, la pièce Pas à Pas. Ça, c'est très Canterbury. Alors, on y va avec, on se paye la traite avec Herba d'Amélie et Alco Frisbass. Thank you. cames són de pedra i em quedo sol i sento que aquests peus no faran més que ni em queda prou alè per tirar d'ell condemna de romandre pel planta potser avançar de on era

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Ici Tania Beaumont. Notre rendez-vous du mercredi a maintenant un nouveau nom, Jamais comme tout le monde. De 17h30 à 19h30, toujours en direct du bar Le Sacrilège, on fait revivre le perron de l'église avec des discussions d'actualité. On reçoit des artistes en entrevue et prestations. Nos collaborateurs proposent des découvertes culturelles. On offre des prix de présence et on lève notre verre à la bonne nouvelle de la semaine. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. À CKRL, on écoutait Alco Frisbas, c'est de la France. Et juste avant la pause, Pas à pas. Et sur cet album-là, il y a plusieurs artistes connus, comme Jacob Holmlupo, celui qui était dans White Willow en particulier, et des Opium Cartel. Et donc, sur une pièce qui apparaît, c'est un duo français, c'est très bon. Moi, c'est un de mes coups de cœur aussi. C'est également sur l'étiquette Falling, Alco Frisbas, leur premier disque éponyme. Et juste avant, il y avait eu de l'Espagne, ce qui est vraiment excellent. Je me dis que c'est une des meilleures pièces qu'il y a eu en 2015, en tout cas dans les grandes pièces de rock progressif. Herba d'Amélie, tirée de Interiors à la pièce Viaje. Alors, pour le dernier bloc, on a un artiste britannique, Tiger Moth Tales. Hein, c'est le projet de Peter Jones, c'est lui qui fait à peu près tout sur ça, et c'est son second disque, Storytellers. Alors on ira avec une pièce intitulée Storytellers, et ensuite Cherry Five, qui est un groupe italien qui avait réalisé un premier album en 1975, voilà, Il Pozzo dei Giganti. C'est leur nouvel album, mais on ira avec cette pièce éponyme, cette pièce titre de ce nouvel album de Cherry Five, paru en 2015, juste après Tiger Moth Tales. Once upon a time is how it all began. Pictures from the mind of a woman or a man. Words from the pen, we read them again, and we're there. Palaces of gold, streets of stone, scenes of time gone by, or futures yet unknown. Words on the page, the players on the stage, and you're thank you. let's sit round and tell the tales of cunning bravery, of witches, fairies, elves and dwarves, and all my swimming in the tea. The good will all end happily, the bad will get their due. The prince will get the princess and live happily ever after too. Faces so familiar, the morals learned so well, they're here with us forever, always stories that we can tell. And when we're gone, the story we'll be right back. briganti ripianti nascondono i piedi d'argilla. Sopra un filo, con sotto un baratro infinito, abisso di quelle emozioni che non hai avuto mai, un fuoco che ti brucia dentro, un'onda immensa che ti invade, violento lampo che ti acceca, un buco nero che ti inghiotte, sempre più, sempre più. Non ho il coraggio di guardare. tutto è scuro e minaccioso, anche paura di respirare, voglia di luce e di calore, io che dominavo il mondo. We'll be right back.